Je veux ça, moi, son calvin. Moi, je m'appelle El Marabillo. Je suis agogo mystique d'Abidjan. Mais qui t'a dit? Mais qui t'a dit? Abraza, abraza, abraza. Tu seras béni. Allez, tu n'es qu'à maman. Jean-Michel Dédé. Impression pour tout aller là.